Oyez, oyez, les jeux Mission Patrimoine sont de retour en point de vente et sur fdj.fr. Avec les tickets à gratter illico Mission Patrimoine, vous pouvez gagner jusqu'à 1,5 million d'euros tout en aidant le patrimoine français. Pour chaque ticket acheté, une part est reversée à la Fondation du Patrimoine pour aider à la restauration de monuments en péril. Alors jouez pour vous et pour l'histoire. Frantz Fanon, L'Indocile. Anaïs Quien, Séverine Cassard. Frantz Fanon, l'expérience vécue du racisme colonial. Et voilà, ce n'est pas moi qui me crée un sens, mais c'est le sens qui était là, préexistant, attendant. Ce n'est pas avec ma misère de mauvais nègre, mes dents de mauvais nègre, ma faim de mauvais nègre, que je modèle un flambeau pour y foutre le feu afin d'incendier ce monde. Mais c'est le flambeau qui était là, attendant cette chance historique. Dans la guerre actuelle, le facteur économique joue un rôle de premier plan. La France, après l'Angleterre, est le deuxième empire colonial du monde, empire de 110 millions d'habitants. Monsieur Georges Mandel, ministre des colonies, a déclaré, parlant de nos possessions, un élan unanime. Les colonies apportent une coopération enthousiaste à la France en guerre. Sa guerre est la leur. Une guerre sainte pour la liberté, pour la dignité, pour le respect de la personne humaine. Et en vue d'en hâter l'issue, elles envoient la métropole avec d'importants dons en argent, toutes les matières premières, tous les produits alimentaires dont elles n'ont pas absolument besoin. Elles lui offrent plus d'hommes qu'on a été en mesure d'en prendre jusqu'ici. A été causée par la force mécanique, aérienne et terrestre de l'ennemi. Nous croyons que l'honneur des Français consiste à continuer la guerre aux côtés de leurs alliés et nous sommes résolus à le faire. Nous espérons qu'un jour, une force mécanique supérieure nous permettra d'avoir la victoire et de délivrer la patrie. Les dissidents racontaient ça avec beaucoup d'humour, en disant, au lieu de crier « Gaulle », ils criaient « De Gaulle !» Donc voilà, ils détournent un peu les choses. On dit couramment que le racisme est une plaie de l'humanité. Mais il ne faut pas se satisfaire d'une telle phrase. Il faut inlassablement rechercher les répercussions du racisme à tous les niveaux de sociabilité. L'importance du problème raciste dans la littérature américaine contemporaine est significative. Le nègre au cinéma, le nègre et le folklore, le juif et les histoires pour enfants, le juif au bistrot sont des thèmes inépuisables. Sans passé nègre, sans avenir nègre, il m'était impossible d'exister ma négrerie. Pas encore blanc, plus tout à fait noir. J'étais un damné. Je pense que Fanon a sur ce sujet-là une phrase que je vais citer de mémoire, où il dit, lorsque le Martiniquais reste chez lui, il n'y a aucun problème. Puisqu'en gros, tous ceux qui sont autour de lui sont des gens qui sont connus. C'est dès lors qu'il se déplace et qu'il va en Europe que le problème se pose. Et pourquoi le problème se pose-t-il? Parce qu'il prend conscience à ce moment-là de la différence raciale. La différence raciale Il n'en prend pas conscience tout seul. Il prend conscience parce que les comportements des autres l'assignent à sa couleur. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, sa vie commence un peu comme ça. Né en 1925 à Fort-de-France et enterré en 1961 en Algérie, Frantz Fanon pourrait faire partie d'un temps révolu, le temps des colonies. On aimerait pouvoir remiser soigneusement sa pensée sur l'étagère des témoignages d'une histoire passée, comme une relique, comme la trace ténue d'une histoire lointaine, cicatrisée. Ses écrits, de peau noire masque blanc aux damnés de la terre, font pourtant toujours écho de manière incendiaire aux relations raciales du XXIe siècle. Né aux Antilles françaises dans l'entre-deux-guerres, Frantz Fanon y est devenu l'emblème de la décolonisation à travers son engagement dans la guerre d'Algérie aux côtés du FLN. Aujourd'hui, le nom de Frantz Fanon résonne à l'échelle planétaire. Une référence incontournable lorsqu'on évoque la condition noire et la violence coloniale qui explose après la Deuxième Guerre mondiale. C'est justement au cours de cette guerre qu'il prend conscience des discriminations raciales qui régissent l'ordre impérial. Frantz Fanon s'engage contre le nazisme à 17 ans. Il pensait alors défendre des valeurs républicaines qui avaient porté l'abolition de l'esclavage. Blessé et décoré, il en revient pourtant profondément transformé. Une rupture matricielle qui l'amène à s'attaquer à la déconstruction de la fabrique du colonialisme. Alors en 1925, lorsque naît Frantz Fanon, c'est le fils de franc-maçon, c'est le fils de quelqu'un qui veut défendre la France. Son père est fonctionnaire des douanes. Donc il fait partie de tous ces cadres mulâtres, noirs, qui ont obtenu la culture française et puis qui sont très attachés à la République française. Gilbert Pagot, historien, auteur de La Martinique de l'amiral Robert, Panorama colonial sous Vichy. Quand je parle de la République française, il y a un attachement un peu mythique à cette République. Pourquoi ? Parce que la transmission idéologique que les gens ont, c'est que c'est la République qui a amélioré le sort des Noirs. C'est parce qu'il y a eu la Première République en 1792 avec la Convention qu'il y a eu la première abolition de l'esclavage. C'est parce qu'il y a eu encore les révoltes de 1830, dans lesquelles les républicains ont joué un grand rôle, même si ce n'était pas eux, qu'il y a eu l'amélioration de la condition du sort des libres de couleur. C'est parce qu'il y a eu la révolution de 1848 et la Deuxième République qu'il y a eu l'abolition définitive de l'esclavage et le statut de citoyen français et le droit de vote. Donc le sentiment est que c'est la République qui a amélioré le sort des Martiniquais, des anciens esclaves, et l'esprit républicain est très fort. Ce qui fait qu'après 1870, au moment de la Troisième République, lorsque la République devient radicale, puisque en France, le courant qui va dominer, c'est le courant radical, eh bien, la petite bourgeoisie martiniquaise est elle aussi radicale. Et cette petite bourgeoisie, eh bien, elle est franc-maçonne. Le père de Frantz Fanon, Casimir Fanon, eh bien, il est franc-maçon. Hein? Et ce n'est pas original. La franc-maçonnerie est très forte. C'est vraiment toute la Martinique qui est, à l'époque, radicale ou bien socialiste. Et vous avez donc une Martinique qui se bat pour obtenir les mêmes droits qu'en France. Alors, quel est l'argument de l'obtention de ces mêmes droits qu'en France ? C'est que la Martinique est colonie française depuis 1635. Alors il y a donc toute une mythologie. Si nous sommes français depuis 1635, eh bien nous sommes français avant Nice, avant la Savoie, avant les évêchés, avant le comte vénitien, avant un certain nombre de régions. Et par conséquent, nous ne sommes pas comme les colonies africaines. Vous voyez d'ailleurs un petit peu le mépris à l'égard de l'Afrique. Nous sommes les vieilles colonies. Et les vieilles colonies ont droit à un statut spécial. Et si on comprend ça, on comprend un petit peu ce que je vais appeler le nationalisme français des Martiniquais. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont finalement tellement accrochés à cette idée qu'ils sont même plus français que les Français. Je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Lorsqu'il y avait déjà eu la guerre franco-allemande en 1870, il y a déjà une partie de l'élite martiniquaise qui avait demandé à être volontaire pour aller se battre contre la pression allemande. La Première Guerre mondiale, il y a ça. Et au moment de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, les gens se bousculent pour sauver la France. Et c'est le cas de Fanon qui, en 1939, eh bien, n'a que 14 ans et qui assiste à la répression contre les francs-maçons, contre son père. Les témoins qui l'ont connu à cet âge, lorsqu'il avait 14, 15 ans, 16 ans, en 1941, par exemple un homme comme Maurice Ostend, qui a été son compagnon au cours complémentaire des Terres Saint-Ville, eh bien, il dit que nous nous réunissions au 33 rue de la République, c'est la maison de Fanon, entre la librairie Alexandre et la bijouterie Petit, nous nous réunissions pour pouvoir écouter la radio, Radio Londres. Mais pour pouvoir écouter, le père Fanon nous demandait de nous mettre dehors pour voir qui passait dans la rue. Parce que comme la radio fait beaucoup de bruit, on entend, de manière à ce qu'on baisse la radio, qu'on l'éteigne, lorsque dans la rue passent des gens, on ne sait pas qui. Mais une fois que les gens étaient passés, on remettait la radio. Fanon écoutait ça avec son père, qu'on avait naturellement cassé, parce qu'il était franc-maçon. On l'avait cassé, il avait perdu son métier dès 1940. Et Fanon, naturellement, supportait son père et était partisan de la France. Tu voudrais dominer le monde comme Napoléon et Charles Quint. Entends le lion anglais qui gronde et méfie-toi, triste coquin. Comme la grenouille de la fontaine, tu en veux trop, tu en crèveras. Tu ferais bien mieux de te pendre, toi le grand fureur des Germains. Car enfin, si tu te fais prendre, nous n'irons pas par quatre chemins. Sylvie Mélien, historienne et enseignante. Aux Antilles, tout le monde apprend que la France est en guerre. Et les Martiniquais ont connu la Première Guerre mondiale. Et les hommes politiques ont beaucoup milité pour que les Martiniquais participent à cette Première Guerre mondiale. Puisqu'au départ, il n'y avait pas droit. On n'oublie pas aussi le statut de la Martinique, qui est une colonie à cette époque. Et donc, les Martiniquais ont un statut un petit peu particulier et ils ne peuvent pas participer à cette Première Guerre mondiale. Donc, les hommes politiques ont beaucoup fait pour qu'ils puissent le faire. Donc, effectivement, ils y participent. Et donc, quand la Seconde Guerre mondiale arrive, le premier élan, c'est aussi d'aller aider la France. Sauf que la France perd la guerre. Et donc, il y a une attente pour savoir ce qui va se passer. Après son entrevue historique avec le Führer chancelier, le maréchal Pétain a regagné Vichy, entouré de la respectueuse affection que lui porte tout le peuple de France. Appelons que le grand soldat vient de nous demander de le suivre et de garder notre confiance en la France éternelle. Frantz Fanon, c'est le fils de quelqu'un qui veut que la Martinique devienne un département français et qu'il puisse se battre pour ça. Et c'est quelqu'un qui, naturellement, est opposé en particulier au racisme et à la dévalorisation des Noirs. C'est ça, Fanon, dans son adolescence. Et on peut comprendre qu'on le retrouve parmi les lycéens qui décident de partir en dissidence. Frantz Fanon évoque rarement son expérience de guerre dans ses ouvrages. Il glisse une anecdote, parfois, sans insister. Son ami Marcel Manville est nettement plus prolixe à ce sujet qu'il aborde en 1991, à l'occasion du 30e anniversaire de la mort de son compagnon de dissidence, la résistance antillaise. C'est pas facile d'expliquer à des Martiniquais qui n'ont pas notre âge, mon âge en tout cas, le climat de l'époque. La France est vaincue, elle se résigne, et arrive ici, ou plutôt était arrivé un petit peu avant l'armistice, l'amiral Robert et sa flotte. 10 000 marins, ils sont blancs, c'est une réalité objective, ils sont parfaitement nourris par rapport à la population, qui à partir de 1941 vit dans la disette. Mais plus encore, je devrais dire pire encore, le racisme de l'ex-maréchal Pétain, non pas un racisme agressif, mais un racisme rampant, et pour la première fois, de jeunes lycéens, de jeunes Martiniquais, bref, toute notre communauté nationale, ressent le racisme de façon très aiguë, très vive. Enfin, il faut dire qu'à tout cela, un élément idéologique, c'est Césaire et la revue Tropique. D'abord les cours de Césaire au lycée, qui ont flambé toute la jeunesse, et ensuite l'apparition de Tropique, avec une préface remarquable. Et ça constitue donc des éléments de révolte qui expliquent le départ de France à la Dominique, l'acte décisif qu'il a accompli en laissant sa famille pour aller vers l'épopée, vers la guerre et vers l'aventure. Frantz Fanon, peau noire, masque blanc. De prime abord, il peut sembler étonnant que l'attitude de l'antisémite s'apparente à celle du négrophobe. C'est mon professeur de philosophie, d'origine antillaise, qui me le rappelait un jour. « Quand vous entendez dire du mal des Juifs, dressez l'oreille, on parle de vous. » Et je pensais qu'il avait raison universellement, entendant par là que j'étais responsable, dans mon corps et dans mon âme, du sort réservé à mon frère. Dès lors, j'ai compris qu'il voulait tout simplement dire « un antisémite est forcément négrophobe ». La dissidence, en fait, a commencé très tôt. Gilbert Pagot. On en a parlé beaucoup pour l'année 42-43, mais en fait, dès 1940, lorsqu'il y a eu la signature de l'armistice, eh bien, le jour même, ici, les maires se sont réunis. Et tous les maires de toutes les communes ont voté des résolutions disant qu'ils se battaient pour que la France puisse se libérer du joug allemand, ce qui n'est pas le cas du haut commissaire qu'on a envoyé, qui s'appelle l'amiral Robert. L'amiral Robert, c'est un homme très astucieux. Il leur dit, bien entendu, je suis français, je suis comme vous, je suis pour la France. Mais il ne prend pas position contre Vichy et il explique beaucoup aux gens, aux maires, aux élus, etc., qu'il a un rôle extrêmement important, c'est de garder le trésor de la Banque de France, parce que le trésor de la Banque de France est venu ici en Martinique, au fort Deuzé, et puis garder aussi une partie de la marine, parce qu'une grande partie de la marine est venue se réunir ici, ainsi que l'aviation. Donc il y a cette espèce de double jeu. Et ensuite, un autre élément, c'est que Pétain, c'est celui pour la population, qui a sauvé la France en 1914, etc. Et donc Pétain est populaire, et pour eux, l'armistice, c'est une tactique de Pétain. Pétain a signé l'armistice, mais en fait, en douce, il prépare la revanche. Voilà donc le personnage de Fanon. Lorsqu'il rentre au collège en 1940, au collège des Terres-Saint-Ville, c'est un quartier populaire de Fort-de-France, et en 1942, il rentre au lycée. On le fait rentrer en seconde. Négritude, dame, aigritude des nègres. Moi je ne suis pas aigri et même je dénigre ces nègres aigris, râleurs de leur propre malheur. Je suis noir, oui, je suis nègre, d'accord. Je suis même black, si tu veux, yeah man. C'est un fait certes, mais pas ma raison d'être. Il n'y a pas plus républicain, au fond, que les Antillais, avec cette idée, qui est, ma foi, très juste, historiquement, que la République, c'est l'abolition de l'esclavage. Pape Ndiaye, historien, auteur de La Condition Noire, essai sur une minorité française. La première République, bien sûr, avec la première abolition de 1794, celle à laquelle Napoléon Bonaparte met fin en 1802, et puis la seconde République qui abolit une nouvelle fois l'esclavage en 1848. Et donc, on peut dire, en effet, que la République n'a pas été esclavagiste, même si la République a colonisé, bien entendu, mais l'abolition, elle est profondément liée à la République. Et donc, on a un attachement réel à la République, ce qui ne signifie pas que les Antillais ou les autres ferment les yeux sur les inégalités, sur la colonisation, sur tout ce que la République a pu charrier dans sa propre histoire. Mais il y a quand même ce fait indéniable qui est celui de l'abolition et de la République comme étant intimement liés d'un point de vue historique. Et cela, évidemment, a une force telle que l'abolition de la République pendant l'été 1940 a un effet particulier aux Antilles, parce qu'on sait que la disparition de la République et l'avènement de l'État français va s'accompagner d'un tour de vis colonial sur place, non pas du rétablissement de l'esclavage, bien entendu, mais du retour au pouvoir des grands propriétaires et de leurs alliés politiques les plus conservateurs. Chronique du général Mangeau à l'antenne de la très vichiste Radio Paris le 11 mai 1943. De Gaulle et Giraud, traîtres à leur patrie, n'ont aux yeux de leur maître qu'une valeur de symbole. Ce symbole consiste à faire croire aux Français abusés par la propagande des juifs de la radio qu'ils combattent pour libérer la France. De cette libération, ils se soucient tellement peu que dans aucun de leurs discours, il n'en est fait mention. Déjà, leurs ministres et les organes les plus qualifiés de leur presse nous ont fait connaître le sort qui nous attend. La France ne sera plus qu'une puissance de second ordre, et nos colonies, il serait naïf de s'y tromper, deviendront la proie des Anglais et des Américains. La France ne sera plus cette puissance impériale de 100 millions d'habitants qui en faisait une des grandes puissances mondiales. Ceux qui conservent encore des illusions, donc, qu'à regarder ce qui se passe à l'heure actuelle à la Martinique. C'est vrai que cette période de la Seconde Guerre mondiale est connue comme étant la période de l'amiral Robert. L'amiral Robert arrive avec les pleins pouvoirs, puisqu'il a en charge toute l'armée et il a en charge également toute l'administration. Donc, l'amiral Robert prend ses quartiers à la Martinique et il va mettre en place, évidemment, toutes les lois de Vichy, famille, travail, patrie. Il met en place toutes les lois antisémites. Et quelles sont les mesures que va prendre l'amiral Robert qui vont directement violenter la population noire de Martinique ? Alors les premières mesures qu'il va prendre, c'est en adéquation avec ce que demandent les usiniers, c'est de rattacher la population au travail. Ils étaient déjà au travail, mais on les garde au travail, puisque maintenant on sait que personne ne va partir, comme pour la Première Guerre mondiale, personne ne va partir sur aucun champ militaire. Donc il faut qu'ils restent à travailler la canne à sucre. On recommence à fixer les travailleurs de manière contrainte sur leur poste de travail. Oui. Et tout ça, en fait, rappelle des choses, parce que ça, ils ont déjà connu. Et puis surtout, sur certaines usines, certains d'entre eux voient la gendarmerie arriver avec des livrets, les fameux livrets de l'après-abolition de l'esclavage, et où on leur demande à nouveau de dire à quels endroits ils vont. Voilà. Donc ça les effraie. Ça les effraie. Pour eux, il faut aller délivrer la République. Donc évidemment, l'amiral Robert va multiplier les cérémonies officielles pour permettre aux gens d'entrer dans cette nouvelle ère. Donc des fêtes autour de Jeanne d'Arc, hein, la célébration de la quinzaine impériale, il y a Empire dedans, donc ça rappelle des choses. L'anniversaire de Victor Schœlcher, il va rebaptiser toutes les rues. Comme les gens ont peur avant que la France ne perde la guerre et comme on a peur d'être envahi par les Allemands, à la savane, on fait construire des tranchées, on creuse des tranchées, puis on est là en attente de l'invasion des Allemands. Donc voilà, en même temps, la colonie devient une espèce de base arrière où on met en protection une partie de la richesse de la France. Donc forcément, autour de ça, il va falloir organiser une sécurité et donc surveiller les gens. Les hommes politiques martiniquais, très rapidement, vont dire leur opposition à tout ça et vont demander à ce que la Martinique soit rattachée à ce gouvernement libre dont ils ont entendu parler. Charles de Gaulle, à l'antenne de la BBC. Moi, général de Gaulle, j'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. Joby Fanon, frère de Franz, auteur de Franz Fanon, de la Martinique à l'Algérie et à l'Afrique, en 1991. Cette époque, en temps Robert, comme on l'a désigné actuellement, fut une époque où l'imagination créatrice des Martiniquais s'en est donnée à cœur joie. On a pratiquement tout inventé pour survivre. Le savon, le sel, l'huile de copra, les chaussures découpées dans de vieux pneus de voiture, les carreaux. La population se mit à vivre en autarcie. Il n'était pas d'autre solution, car la marine des États-Unis maintenait autour du pays un blocus rigoureux. Il faut savoir que l'intérêt des États-Unis pour la Martinique ne s'était jamais démenti au cours des siècles. Et à cette époque, cet intérêt était décuplé, du fait que le stock d'or de la Banque de France avait été transféré en Martinique au début de la guerre. Les États-Unis n'entendaient pas que l'or puisse quitter la Martinique et s'en aille grossir le stock monétaire des Allemands, qui, eux aussi, envisageaient de récupérer l'or, objet de leur convoitise. Mais pendant ces événements, nous poursuivions sans trop de problèmes notre vie d'écolier, de jeune sportif. Les problèmes politiques étaient survolés et seule la radio de Londres mettait un peu de ferveur patriotique dans nos discussions. Sylvie Mélien. L'amiral Robert n'aime pas les Noirs. C'est une population noire, il ne les aime pas. Les marins qui arrivent n'aiment pas non plus. Donc cette population est doublement agressée. Non seulement elle est agressée par des conditions de vie qui deviennent encore plus difficiles qu'avant-guerre, mais en plus elle est agressée par cette population qui la méprise. Et c'est cet ensemble de choses qui va faire qu'à un moment donné, cette population va vouloir résister et contraindre le pouvoir en place à partir et contraindre également à ce que la République revienne. On peut parler, Sylvie Mélien, de l'instauration d'un racisme d'État pendant ce temps de l'amiral Robert en Martinique ? Ah, on peut effectivement en parler. Déjà, l'acte politique de mettre des blancs pays aux manettes du pouvoir, c'est déjà un acte qui dit exactement quelle est la qualité de ce pouvoir. Parce qu'avant la guerre, des scrutins locaux avaient été mis en place, et donc les Martiniquais, les hommes en tout cas, votaient et avaient leurs propres élus. Ce sont ces élus-là qui sont remplacés de manière autoritaire et arbitraire par le régime de Vichy. Exactement. L'un d'entre eux, qui est très connu à la Martinique, est Victor Sévère, va démissionner du pouvoir. Il ne va pas attendre qu'on le lui prenne. Il est député maire de Fort-de-France. Il va démissionner quand il va se rendre compte que le pouvoir en place ne va pas adhérer aux idées de la France libre. Mais effectivement, brutalement, sans élection, on les remplace. Presque un siècle après l'abolition de l'esclavage. Exactement. D'ailleurs, l'amiral Robert va faire partir l'ensemble des maires de la Martinique et les remplacer par les grands blancs, les béquets. Donc tout ça, ce sont des signaux d'alerte qui inquiètent la population parce qu'ils se disent qu'il y a un retour de quelque chose qui est en train de se mettre en place et dont ils ne veulent pas, bien entendu. Tout le monde sait que l'école, l'université, le lycée, c'est des lieux où les contestations se forment et se cristallisent. Marcel Manville, 1er décembre 1991. Et il faut situer cette période de l'occupation, notre frustration et l'arrivée de Césaire qui va jouer un rôle de détonateur. Ça, il ne faut pas l'oublier car nous sommes en 1940. Il a déjà écrit le cahier de retour au pays natal que nous lisons littéralement et régulièrement, mais surtout, il va publier avec sa femme, Télus Leroux, Ménil, Thésée et Georges Gratian qui vit encore, la revue Tropique. Et cette revue Tropique va constituer une sorte de brûlot à partir duquel nous allons devenir des résistants d'abord en pensée, puis en acte. Jeune professeur qui était revenu, qui était, il faut bien comprendre aussi la circonstance, c'était un professeur noir. J'insiste parce que la connotation raciale a son poids à ce moment-là. Jusqu'dans les années 30, qui avait des postes de prof, c'était soit des blancs, des gens qui étaient venus pour travailler, soit des fils de mulâtres dont les parents avaient pu payer des études. Mais des gens comme Césaire, etc. et tout, ils étaient peu nombreux, c'était les premiers. Frantz Fanon, Antillais et Africain, paru dans la revue Esprit en février 1955. Pour la première fois, on verra un professeur de lycée, donc apparemment un homme digne, simplement dire à la société antillaise qu'il est beau et bon d'être nègre. Pour sûr, c'était un scandale. On a raconté à cette époque qu'il était un peu fou et ses camarades de promotion se faisaient fort de donner des détails sur sa prétendue maladie. Quoi de plus grotesque, en effet, qu'un homme instruit, un diplômé, ayant donc compris pas mal de choses, entre autres que c'était un malheur d'être nègre, clamant que sa peau est belle et que le grand trou noir est source de vérité. Ni les mulâtres ni les nègres ne comprirent ce délire. Les mulâtres, parce qu'ils s'étaient échappés de la nuit, les nègres, parce qu'ils aspiraient à en sortir. Deux siècles de vérité blanche donnaient tort à cet homme. Il fallait qu'il fût fou, car il ne pouvait être question qu'il eût raison. Césaire était un prof de feu. Daniel Maximin. Il faut bien imaginer, et qui explique le petit Fanon qui était en troisième, demande aux autres de donner les textes, mais ce n'était pas que lui, c'était tout le monde. Il y avait Aimé Césaire, Suzanne Césaire, la femme d'Aimé Césaire, qui a un grand rôle, et René Ménil, et Aristide Mauger. Je dis les noms parce que c'était un groupe. de prof qui a joué un rôle, mais vous ne pouvez pas vous imaginer comment toute une génération de jeunes lycéens, comme c'était la guerre, et donc ces profs ont joué un rôle majeur de formation de cette génération. C'est la génération de Glissant, c'est la génération de Fanon, etc. Et cette revue Tropique, c'était la revue des jeunes. Et avec la censure qui enlevait la moitié des articles et tout ça, mais qui laissait passer en disant « Wow, c'est des profs intellectuels, avec... ils parlent de Peggy, de trucs comme ça. C'est... Bon, il faut les laisser faire parce qu'ils tiennent les jeunes. Et on ne va pas laisser ces jeunes se disperser trop. Et donc, finalement, c'est pas mal que ces jeunes soient là comme ça, subjugués par ces profs. Donc, on va laisser ces profs. Si on va les arrêter, ça fera encore des manifs de jeunes si jamais on arrête Suzanne Césaire ou René Bénil ou Aimé Césaire. C'est pour ça qu'on les a laissés un peu tranquilles pendant les 3 ans de l'occupation. Mais ils ont joué leur rôle. Et quand on lit « Nous sommes de ceux qui disent non à l'ombre, le monde a besoin de nous aussi », et que vous avez 16 ans, 15 ans, et que vous entendez les horreurs nazies, et vous êtes en Martinique, vous dites « Mais je veux faire quelque chose ». J'ai envie de dire que tout le monde sait que la résistance a commencé par des jeunes lycéens, notamment à Paris, et c'était la même chose qui se passait là. Et donc, quelque part, le lien avec la génération d'Aimé Césaire, et non pas une question de rapport direct, comme ça, c'est même symbolique qu'il n'est pas connu comme prof. Vous voyez, les élèves subjugués par le prof brillant. Non, non, il l'a connu à travers les écrits, à travers les textes, à travers Tropique. Et ça explique quelque part une relation entre eux qui n'était pas, par exemple, fusionnelle, parce qu'aucun n'aurait aimé ça. D'ailleurs, je dirais que c'était le cas général. Tous les gens qui ont un vrai lien avec Aimé Césaire, c'est justement parce qu'il y avait, oh, il n'était pas subjugué, c'était une espèce de rapport, j'ai envie de dire, d'égalité. C'est plutôt lu par les intellectuels, c'est plutôt lu par des gens comme Fanon, au lycée, etc., à partir de 1941, et qui est écrit dans un style surréaliste, qui ne s'attaque pas directement au régime de Vichy, mais qui dit, par contre, dans son éditorial, nous sommes de ceux qui sont adversaires de l'ombre. Et il faut se battre contre l'ombre. Voilà, c'est cette revue qui va influencer intellectuellement une partie de la population. Alors bon, Robert, ainsi que son responsable à l'information, de leur point de vue, 500 exemplaires d'une revue qui s'adresse peut-être à 1000 ou 2000 personnes, sur une population de 200 000 habitants, ce n'est pas quelque chose d'extrêmement important. Et donc, ils ne vont pas attaquer la revue. Voilà. Ils vont l'attaquer uniquement en 1943, quand la situation est devenue intenable. Joby Fanon, 1er décembre 1991. Le jour du mariage de mon frère aîné, il vient me trouver, il me dit « Je pars, je vais rencontrer les forces françaises libres ». J'ai dit « Mais ça va pas, il y a à manger là, c'était en pleine période de restriction ». Il me dit « Quand la liberté est en question, il faut assumer ». Franceline Fanon, fille de Félix, le frère aîné qui se mariait ce jour-là. Le 13 juillet 1943, il a effectivement été dans la mercerie familiale. Il a récupéré un bout de tissu, qui était à son père, je crois, pour payer le passeur. Et il est descendu, parce que sa mère était à Fort-de-France. Le mariage était au Morne-Rouge. Donc il a fait comme s'il descend pour le mariage. Et il est parti à partir de Saint-Pierre-aux-Prêcheurs, je ne me rappelle plus. En tout cas dans le nord de la Martinique, pendant qu'on l'attendait au mariage. On veut rejoindre De Gaulle pour l'aider à rétablir les choses. Et le fait de rétablir les choses, on n'oublie pas que les maires sont devenues En fait, la Martinique est devenue une grande habitation sucrerie, parce que les maires qui sont au pouvoir se sont libéqués, donc on revient en arrière. Donc il faut aller chercher cette lumière pour rétablir les choses d'avant avant tout ça. Les gens qui partent en dissidence, beaucoup d'entre eux sont de jeunes intellectuels, de jeunes lycéens. Et Fanon part en 1943, au moment où la crise est terrible. Fanon part à quel moment? Il part lorsque la Guyane s'est soulevée. Et que la Guyane, en mars 1943... a proclamé sa dissidence, que la Guadeloupe est en train de se soulever à partir d'avril 1943, et que la Martinique elle-même commence à protester, et que en mai 1943, c'est le moment où on interdit la revue tropique de Césaire, qu'on avait laissé subsister depuis mars 1940. Mais en 1943, on dit, bon, allez, ça suffit, vous êtes une revue révolutionnaire, sectaire, raciste. Donc, on supprime. Mais c'est surtout le moment où la résistance en Martinique commence à prendre corps et où il y a des lettres qui circulent et où il y a des pressions pour demander qu'il y ait renversement de la situation. Les premiers dissidents vont partir vers 1940. On note déjà des jeunes qui partent. La moyenne d'âge est à peu près de 24 ans, mais on a de très jeunes qui partent dès 16 ans. Frantz Fanon part à 17 ans. Donc ils sont très jeunes, ceux qui partent et qui décident de rejoindre soit Sainte-Lucie, soit la Dominique, et puis dans des conditions parfois très difficiles. On a beau être dans une île, souvent les gens ne savent pas nager. Donc quand le bateau chavire, c'est tout le monde qui est perdu. Donc certains d'entre eux arrivent à négocier avec des pêcheurs pour faire la traversée. Donc on est dans un système de troc, soit ils les payent, soit ils troquent. Certains pêcheurs acceptent de les faire passer gracieusement. Et certains jeunes vont voler les gommiers. C'est une embarcation très instable, hein, très instable. Si on ne sait pas mener un gommier, on ne va pas très loin. Et si on ne connaît pas les deux canaux entre Sainte-Lucie et la Dominique, c'est terrifiant à certaines périodes de l'année, surtout durant la période de l'hivernage. Hein, c'est la période du mois de octobre jusqu'à décembre, janvier, février. Le canal est très, très mouvementé. C'est des vagues à des hauteurs assez phénoménales. Et donc, ces jeunes qui partent, qui ne savent pas, qui ne connaissent pas le maniement de du gommier, il y en a beaucoup qui vont disparaître. Donc, Frantz Fanon fait partie de ces jeunes qui décident de partir. Il part à Sainte-Lucie. Il va subir, évidemment, tous les examens médicaux, etc. Et il est déclaré apte. On sait assez peu de choses de la biographie de Fanon. Lui-même n'était pas très généreux sur les détails de sa vie et d'une introspection peut-être de ses années de jeunesse. Comment comprenez-vous son engagement volontaire dans les combats de la Seconde Guerre mondiale ? Il y a une génération de jeunes Martiniquais qui s'engagent aux côtés des forces françaises libres, aux côtés des alliés. Papendiaï. Ce qui n'était pas chose facile, puisqu'il fallait gagner une île voisine, comme l'île de Sainte-Lucie, par exemple, avant de pouvoir rejoindre les forces alliés, d'être souvent d'ailleurs envoyé aux États-Unis. Il y avait un camp près de New York, Fort Dix, dans le New Jersey, où les Antillais étaient regroupés et formés militairement avant d'être incorporés dans les forces françaises libres, qui combattent notamment en Afrique du Nord. Donc Fanon n'est pas seul, il fait partie de ces jeunes Antillais qui sont mus, me semble-t-il, par deux motifs principaux. L'un, c'est bien entendu la Seconde Guerre mondiale et le fait qu'il s'agit de combattre des régimes barbares où le racisme est institutionnalisé et prend des proportions tout à fait extraordinaire. Et puis l'autre, c'est le fait que la République revienne, une République évidemment qui serait plus généreuse que la Troisième République. Donc il y a une motivation particulière, me semble-t-il, du côté des jeunes Antillais, si on les compare aux jeunes Français, par exemple, dont une partie d'entre eux pouvait aussi rejoindre les forces libres d'une manière ou d'une autre. Frantz Fanon, Antillais et Africain, février 1955. Et puis, ce fut la France libre. De Gaulle à Londres parlait de trahison de militaires qui rendaient leurs épées avant même de l'avoir tirée. Tout cela contribua à persuader les Antillais que la France n'avait pas perdu la guerre, mais que des traîtres l'avaient vendue. Et ces traîtres, où étaient-ils, sinon camouflés aux Antilles ? Et l'on vit cette chose extraordinaire. Des Antillais refusant de se découvrir pendant l'exécution de la Marseillaise. Quel Antillais ne se rappelle ces jeudis noirs ? Sur l'esplanade de la savane, où des patrouilles de marins armés réclamaient le silence et le garde-à-vous quand on jouait l'hymne national. Que s'était-il donc passé ? Par un processus qui est facile à comprendre, les Antillais avaient assigné la France des marins à la mauvaise France et la Marseillaise que respectaient ces hommes n'était pas la leur. Il ne faut pas oublier que ces militaires étaient racistes. Or, il ne fait de doute pour personne que le véritable Français n'est pas raciste, c'est-à-dire ne considère pas l'Antillais comme un nègre. Puisque eux le faisaient, c'est qu'ils n'étaient pas de véritables Français. Qui sait, peut-être des Allemands. Et de fait, systématiquement, le marin fut considéré comme un Allemand. En janvier 1943, Frantz Fanon rejoint clandestinement la Dominique pour s'engager dans les forces françaises libres. Très discret sur cet épisode, on imagine l'ampleur de sa déception lorsque sa candidature est rejetée. Entre-temps, la Guadeloupe et la Martinique se révoltent contre le régime de Vichy et l'amiral Robert est renversé par le gaulliste Henri Tourtet. L'amiral Robert, haut commissaire aux Antilles et en Guyane française, arrive à Lyon. Après avoir fait face à de multiples difficultés, l'amiral dut se résoudre à l'inévitable et fut contraint d'abandonner la Martinique que la France occupait depuis 1635, laissant à d'autres le soin de poursuivre une politique qu'il estimait néfaste pour son pays. Je demeure fidèle au serment d'allégeance que j'ai prêté au gouvernement du maréchal Pétain. Je ne céderai qu'à la force, déclarait le 16 avril dernier l'amiral qui a su tenir sa parole. Frantz Fanon rentre en Martinique et retourne quelque temps au lycée avant d'intégrer le 5e bataillon de marche des Antilles, contre l'avis de sa famille, et traverse l'Atlantique pour la première fois en 1944, en direction de Casablanca. Note du commandant d'unité sur le nommé Fanon Frantz. Janvier 44. Soldat quelconque n'a pas l'esprit militaire, fait toujours l'objet de fréquentes observations, ne fait rien pour s'améliorer. Cherche continuellement à tromper la bienveillance de ses chefs. Mauvais esprit, mauvais camarade. Très bonne instruction générale. Pourrait, avec ses moyens, être un très bon élément. Février 1944. Soldat ayant beaucoup de moyens, mais ne fait aucun effort pour être un bon soldat. Instruction militaire assez bonne, tireur passable, conduite et tenue bonne. Février 1944. Élève intelligent, mais de caractère difficile et d'esprit militaire douteux. Très nerveux, sujet à des crises à la moindre contrariété, mauvais tireur, tenue et conduite médiocre, volontaire pour un détachement de renfort. Mars 1944, donne satisfaction. Avril 1944, s'est révélé au combat courageux et de sang-froid, accomplissant sa mission sans souci du danger. Blessé et cité. Avril 1944, volontaire pour plusieurs missions périlleuses, les a accomplis avec courage et ténacité. Force l'admiration de ses camarades. Le 27 janvier 1945. Petite mère. Depuis quelques jours, je suis à Paris en convalescence pour 21 jours. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. J'ai promis de revenir et cette promesse, je la tiendrai. Il y va de mon intérêt. Aux environs du 15 février, je remonterai en Alsace et vous m'écrirai à la même adresse. Fanon Frantz, SP, 71-282, aux armées. 3 mars 1945. Mon cher Joby, à l'heure actuelle, vous avez dû apprendre que j'ai été blessé. J'ai rejoint mon unité et nous sommes sur les bords du Rhin. Pour ma part, au hasard des patrouilles nocturnes, je me lave la gueule dans le Rhin. Qu'en penses-tu ? Mes félicitations pour ton succès au CAP. Continue, mais un conseil, une prière, Joby. Écoute-moi, je suis plus âgé que toi maintenant. Je me suis planté et j'en paye le prix. Ne viens pas en France avant la fin de la guerre. Je suis dégoûté. J'ai passé une convalescence hors ligne à Paris. Tu me demandes si j'ai la croix de guerre ? Oui, avec palme, médaille militaire. Je tiens à te dire que je suis toujours en France et que les gens que nous voyons ne veulent plus de la guerre. Je pourrais te dire certaines choses, mais je suis militaire et c'est plus tard que tu le sauras. Contente-toi de saisir que j'en ai assez. Joby, ça pète 24 heures sur 24. On doit rester dans les trous, car le Boche en face ne rate pas son coup. Vivement la fin de la guerre et mon retour parmi vous. Amitié à tous les copains. Fraternellement, Franz. Chère petite mère, je sais que tu vas m'écrire, et tu me parleras de tout ce qui m'est cher, c'est-à-dire de cette table où toute la famille réunie communie sans le savoir. Eh bien oui, il faut laisser tout cela qui nous paraissait trivial pour constater que seul cela est grand. Je voudrais que Joby soit avec moi loin de vous. Je suis jaloux de son bonheur. Vous ne pouvez pas vous imaginer la joie que l'on ressent quand on entre chez soi, sans frapper, qu'on y trouve des visages connus. Hélas, à quoi bon expliquer ? Cela s'apprend par l'expérience. Quand vous apprendrez mon retour, vous ne savez pas ce que vous allez faire ? Un grand repas. Menu. Punch, au pluriel. Blaf, riz, poule, pois rouge, mango. Merci. Il y a eu plus de 3000 Antillais qui ont été dans ces mouvements de libération et qui sont partis en ce qu'on a appelé chez nous la dissidence. Daniel, Maximon. Et ensuite, en bateau, eh bien, ils vont en Afrique du Nord, libérés déjà, et pour faire avec les bataillons, pour libérer par la Méditerranée. En même temps qu'il y a eu évidemment la libération du 6 juin, en Normandie. Et donc, c'est le débarquement de Provence, en fait. Le débarquement de Provence. Et ensuite, on remonte le Rhône, petit à petit, jusqu'à libérer Strasbourg, qui a été libéré avec ses bataillons antillais, dans lesquels le jeune Franz Fanon a été blessé. Et donc, voilà, il se retrouve là-dedans. Le petit jeune qui s'est dit, moi, je veux libérer le monde, parce que le nazisme, le fascisme, va être une destruction du monde entier. Et en même temps... En même temps, c'est ça qui est terrible. Fanon est tellement lucide qu'il dit mais je libère quoi ? Marcel Manville. Lorsque on fera le seul bataillon de volontaires, le bataillon 5, Fanon partira avec Jean-Charles, le libraire Jean-Charles, Dopia, Mosol, 500 Antillais et Guadeloupéens qui vont partir à l'aventure et défendre la mère patrie. Nous arrivons donc au Maroc, et je vois que là, il faut que j'insiste, car c'est le second choc après les années d'occupation de la présence d'Amiral Robert. Au Maroc, nous sommes dans un camp de 15 000 soldats. Véritable tour de Babel, il y a des Français qui viennent de France, des évadés de France qui ont traversé les Pyrénées, les Français pieds noirs qui sont blancs, les Arabes, les Sénégalais. C'était pas seulement des Sénégalais, mais c'était le générique. Ils viennent de la Côte d'Ivoire, du Dahomey ou du Bénin. C'était les Sénégalais et les Antillais servant à titre d'Européens. C'est très important. Nous étions noirs et on pouvait facilement nous confondre avec nos frères africains, mais nous portions le calot. Eux, la chécha. Et si par mégarde, comme c'est arrivé plusieurs fois, qu'un Antillais sortait sans son calot et qu'il revenait dans le camp des Européens, il était chassé. Parce que c'était des camps réservés aux Européens d'une part, aux Africains de l'autre et aux musulmans enfin. Frantz Fanon, peau noire, masque blanc. Nous avons connu, et malheureusement nous connaissons encore, des camarades originaires du Dahomey ou du Congo qui se disent Antillais. Nous avons connu et nous connaissons encore des Antillais qui se vexent quand on les soupçonne d'être Sénégalais. C'est que l'Antillais est plus évolué que le noir d'Afrique. Entendez qu'il est plus près du blanc. Et cette différence existe non seulement dans la rue et sur les boulevards, mais aussi dans l'administration, dans l'armée. Tout Antillais ayant fait son service militaire dans un régiment de tirailleurs connaît cette bouleversante situation. D'un côté les Européens, vieilles colonies ou originaires, de l'autre les tirailleurs. Je me souviens de certains jours où, en pleine action, la question se trouva posée d'anéantir un nid de mitrailleuses. Par trois fois les Sénégalais furent lancés, par trois fois ils furent rejetés. Alors l'un des leurs demanda pourquoi les Toubabs n'y allaient pas. Dans ces moments-là, on arrive à ne plus savoir qui l'on est, Toubab ou indigène. Cependant, pour beaucoup d'Antillais, cette situation n'est pas ressentie comme bouleversante, mais au contraire comme tout à fait normale. Il ne manquerait plus que ça, nous assimiler à des nègres. Les originaires méprisent les tirailleurs et l'Antillais règne sur toute cette négraille en maître incontesté. Nous, par notre culture, par notre statut juridique, sommes français. Lorsque nous quittons les Antilles, nous arrivons au Maroc et là nous sommes littéralement frappés par cette série de différenciations entre les Arabes, les Français d'Alger et de Maroc, c'est-à-dire les Pieds Noirs, les Français de France et les Sénégalais. D'une façon générale, on les appelait Sénégalais toutes les troupes qui venaient d'Afrique noire. Nous sommes citoyens de la République, mais nous avons la peau noire. D'où une situation véritablement ambiguë, la différence à faire entre l'Africain qui n'est qu'un indigène et l'Antillais, Franz moi-même ou Mosol ou Venot ou Dopia, pour parler de camarades de combat, nous avons un statut de Français. Nous mangeons la cuisine européenne, nous vivons dans des tentes qui ne sont pas des guitounes et nous ne prenons pas le chéchia. Mais lorsque le jeune soldat martiniquais ou guadeloupéen oublie son calot d'Européen, il est traité comme un indigène. Première situation. Ironie du sort, nous débarquons à Saint-Tropez et nous nous trouvons dans le Doubs en septembre 1944. Il faut rappeler ici qu'il fait un froid de canard, comme on dit à Paris, un froid rigoureux, un froid sibérien. Le haut commandement de l'armée décide de blanchir la division, celle dirigée par Salan, on en parlera peut-être tout à l'heure quand on parlera d'Algérie, et on oublie les leçons de la géographie et on retient le statut juridique de citoyen de la République française. Et nous voilà laissés à faire toute la campagne d'Alsace, la campagne d'hiver, avec des froids atteignant moins 30 degrés comme à Mèche en décembre 1944. Nous sommes en janvier 1945 dans la dernière offensive pour chasser l'ennemi et les Allemands de l'époque du territoire français, de la poche de Colmar. Et il faut dire que pendant toute cette guerre des rives de la Méditerranée aux berges du Doubs, nous avons quand même parfois senti que nous n'étions pas des Français véritables par le comportement des gens que nous voulions délivrer, mais qui malgré tout manifestaient de temps en temps un racisme non pas là non plus agressif, mais enfin la différenciation qu'il y avait entre nous et eux. Il y a de cela une dizaine d'années, nous fûmes étonnés de constater que les Africains détestaient les hommes de couleur. Il nous était vraiment impossible d'entrer en contact avec les indigènes. Nous avons laissé l'Afrique à destination de la France sans avoir compris la raison de cette animosité. Cependant, quelques faits nous avaient amenés à réfléchir. Le français n'aime pas le juif qui n'aime pas l'arabe qui n'aime pas le nègre. À l'arabe, on dit « si vous êtes pauvre, c'est parce que le juif vous a roulé, vous a tout pris ». Aux juifs, on dit « vous n'êtes pas sur le même pied que les Arabes parce qu'en fait, vous êtes blanc et que vous avez Bergson et Einstein. » Aux nègres, on dit « vous êtes les meilleurs soldats de l'Empire français. Les Arabes se croient supérieurs à vous, mais ils se trompent. » D'ailleurs, ce n'est pas vrai. On ne dit rien aux nègres. On n'a rien à lui dire. Le tirailleur sénégalais est un tirailleur. Le bon tirailleur a son capitaine. Le brave qui ne connaît que la consigne. « Toi, pas passé. » Pourquoi ? Moi, il n'y en a pas savoir, toi, pas passé. Le blanc, incapable de faire face à toutes les revendications, se décharge de ses responsabilités. Moi, j'appelle ce processus la répartition raciale de la culpabilité. Il y a un autre ordre hiérarchique que va rencontrer Frantz Fanon en arrivant pour combattre en métropole. C'est celui qui fait la différence entre les sujets coloniaux en fonction de leur lieu de provenance et de leur ancienneté aussi au sein de l'Empire français. Il y a une différence importante au sein de l'Empire entre ceux qui sont des citoyens français, et les Antillais sont bien des citoyens français depuis 1848, de même que les Réunionnais d'ailleurs, et puis d'autre part, les sujets de l'Empire, c'est-à-dire dans leur immense majorité, à quelques exceptions près, les Africains. Papendiaï. La différence est une différence de droit civique. Les citoyens peuvent voter, même dans des circonstances qui peuvent être un peu limitées localement aux Antilles, mais ils ont des droits que n'ont pas les indigènes, dont les droits juridiques également sont très limités. Et donc ça, cette différence entre citoyens et sujets de l'Empire, cette différence entre Antillais et Africains, finalement, elle est aussi importante parce qu'elle se reflète dans l'armée. Les Antillais, depuis la Première Guerre mondiale, sont incorporés normalement dans l'armée au titre de citoyens français, tandis que les indigènes, les sujets, sont regroupés dans des unités spéciales, donc les fameux tirailleurs africains de la Première Guerre mondiale, mais également les unités indigènes des Français libres en 1944 et 1945, qui sont écartés à partir de l'automne 1944 parce qu'il s'agit de blanchir l'armée française et de faire de telle sorte que l'armée qui accompagne les armées américaines en entrant en Allemagne à partir de l'automne 44 ne soit pas une armée composée de soldats coloniaux. L'armée victorieuse doit être blanche d'une certaine façon. C'est elle qui défile aussi sur les Champs-Élysées. Et puis les unités indigènes, on les écarte et puis on s'arrange pour les rapatrier. De Gaulle, dans ses mémoires, il dit que les armées indigènes ne peuvent pas subir les rigueurs de l'hiver. L'hiver 44-45 qui s'annonce, mais certains de ces soldats avaient subi les rigueurs de l'hiver dans le nord de l'Italie, par exemple, auparavant, en traversant les Alpes dans des conditions parfois extrêmement difficiles. Ils étaient très aguerris, donc l'argument hivernal, en quelque sorte, n'est pas le bon. Il s'agit plutôt d'éviter ce qui s'était passé en 1919-1920, c'est-à-dire la présence de soldats coloniaux en Allemagne, ce qui avait aussi permis à l'extrême droite allemande de dénoncer la négrification de l'armée française. Hitler en avait fait un de ses motifs, ou un de ses leitmotifs plutôt, lorsqu'il a commencé sa carrière politique. Donc il y a là aussi le souvenir de l'après-Première Guerre mondiale qui joue probablement. Et cela est à l'origine d'une grande amertume, d'ailleurs, de ces soldats coloniaux qui sont en quelque sorte écartés au moment où la victoire se dessine en Europe. Je me glisse dans les coins en rencontrant de mes longues antennes les axiomes épars à la surface des choses. Le linge du nègre sent le nègre. Les dents du nègre sont blanches. Les pieds du nègre sont grands. La large poitrine du nègre. Je me glisse dans les coins. Je demeure silencieux. J'aspire à l'anonymat, à l'oubli. Tenez, j'accepte tout, mais que l'on ne m'aperçoive plus. Thank you. savez ce qui s'est passé quand ils sont arrivés? Les Allemands avaient laissé des tracts et des choses comme ça, en disant il y a des sauvages noirs qui vont venir et qui sont des cannibales et qui vont vous tuer. Qui vont vous tuer, vous assassiner, parce que ce sont des sauvages. La honte noire. Oui, ça c'était la honte noire, qui avait été une grande propagande de Hitler quand il y avait eu l'occupation de la Ruhr par les tirailleurs dits sénégalais. Daniel Maximin. Et pour les nazis notamment, c'était l'idée, regardez, la France nous envoie des sauvages pour nous occuper, qui vont violer nos femmes, qui avec leurs couteaux, ils vont peut-être même, ils sont cannibales. Mais il y a eu une propagande énorme comme ça. Et même au moment où ils perdent en Alsace et où les forces arrivent, il y avait l'idée, les Noirs, méfiez-vous. Et là, il y a un de ces jeunes copains de Fanon qui arrive près d'une ferme. Ils ont libéré les gens et ils ne trouvent pas les gens. Pourquoi? Parce que les gens s'étaient cachés dans la cave en voyant que c'était des Noirs. Vous voyez, le libérateur qui a cette image. Autrement dit, Fanon, il a une conscience très très forte du fait que rien n'est jamais gagné, rien n'est jamais acquis. Et que vous qui avez fait 8000 kilomètres pour venir libérer le monde, encore une fois, c'est pas libérer des Alsaciens ou libérer des Blancs, vous voyez, ou libérer des paysans. C'est une libération parce que le nazisme, le fascisme, après avoir envahi l'Europe, va envahir l'Amérique, l'Afrique, le reste, et qu'on peut pas dire, moi je reste dans mon coin, attendre, hein, c'était tout à fait logique. Il y a une guerre mondiale, on est conscient que c'est quelque chose qui nous touche. Mais en même temps, vous vous rendez compte d'arriver. Et Fanon a fait une lettre dont on parle beaucoup, dans laquelle il disait à ses parents, je me suis trompé, je croyais libéré et je vois que le paysan français s'en fout. Le 12 avril 1945, aux armées. Chers parents, aujourd'hui, 12 avril, un an que j'ai laissé Fort-de-France. Pourquoi? Pour défendre un idéal obsolète. Je doute de tout, même de moi. Lorsqu'il arrive en France, il a une espèce de choc émotionnel. Je vous ai décrit ce Français qui se battait pour aller défendre la France. Et puis lorsqu'il arrive, il a l'impression que, tiens, les Français, finalement, ils sont sur un régime où ils ne voient pas les gens se battre, etc. Il écrit une lettre à sa mère, hein, en disant, bon, moi je suis extrêmement déçu, dit-il, suis choqué, on se bat. Ça, c'est son premier choc émotionnel, il ne comprend pas. On se bat pour des gens qui s'en foutent. D'ailleurs, oui, c'est la formule qu'il emploie. Hein. On se bat pour des gens qui s'en foutent, etc. Bon. Si je ne revenais pas, si vous appreniez un jour ma mort face à l'ennemi, consolez-vous. Mais ne dites jamais, il est mort pour la belle cause. Dites, Dieu l'a rappelé à lui. Car cette fausse idéologie bouclier des laïciens et des politiciens imbéciles ne doit plus nous illuminer. Je me suis trompé. Rien ici qui justifie cette subite décision de me faire le défenseur des intérêts du fermier quand lui-même s'en fout. Frantz Fanon, comme beaucoup d'Antillais de son époque et d'aujourd'hui, se découvre noir en arrivant en métropole, effectivement, dans la mesure où, aux Antilles, il y a d'abord tout un référentiel coloriste sophistiqué pour parler des nuances de couleur de peau. Pape Ndiaye. Et en France, ce référentiel est en quelque sorte écrasé. Il n'y a plus que des noirs et des blancs, à la rigueur des métis. Et donc, beaucoup d'Antillais qui ne se pensent pas comme noirs, mais par exemple comme métis, ou comme mulâtre, ou comme chabin, pour reprendre le vocabulaire créole, sont considérés comme noirs, réduits en quelque sorte à leur apparence noire, ce qui est souvent un choc pour eux. Frantz Fanon le raconte très bien dans Peau noire, masque blanc, lorsqu'il raconte cette histoire du chauffeur de taxi qui le hèle dans la rue en disant « Eh, le noir !» Et Fanon se retourne, il ne sait pas à qui il s'adresse, il se rend compte que le chauffeur de taxi le regarde, et Fanon écrit qu'il est vu comme noir comme n'importe quel Sénégalais, je le cite en l'occurrence. Cette racialisation, cette expérience de la racialisation, elle est également commune à l'expérience de très nombreux Caribéens lorsqu'ils arrivent aux États-Unis, puisque aux États-Unis aussi, on est ramené à une apparence noire simple, et cela, évidemment, est une expérience qui peut être très difficile, très douloureuse. Cela dit, si Fanon est confondu avec un Sénégalais, comme il le dit au moment de son arrivée à Paris, ça ne signifie pas que tous les Noirs en métropole soient considérés sur un pied d'égalité. Il y a une hiérarchie, en quelque sorte, qui placera plutôt les Africains-Américains, les Noirs-Américains au sommet, eux qui sont en quelque sorte non seulement Noirs, mais aussi citoyens des États-Unis, ce qui, dans le rapport de puissance, est un élément favorable encore aujourd'hui. Et puis un cran en dessous, on trouvera les Caribéens, donc les Antillais, et puis tout en bas, en quelque sorte, les Africains noirs. Donc ça n'est pas exactement la même chose. Il n'empêche que l'apparence, elle est bien commune, et c'est ce que Fanon expérimente à son corps défendant, en quelque sorte, lorsqu'il arrive en métropole. Sale nègre, ou simplement, tiens, un nègre. J'arrivais dans le monde, soucieux de faire lever un sens aux choses, mon âme pleine du désir d'être à l'origine du monde. Mais là-bas, juste à contre-pente, je bute. Et l'autre, par geste, attitude, regard, me fixe, dans le sens où l'on fixe une préparation par un colorant. Je m'emportais, exigeais une explication. Rien n'y fit, j'explosais. Magali Besson, philosophe, auteur de l'introduction des œuvres de Frantz Fanon, intitulé « Frantz Fanon, en équilibre sur la color line ». Il me semble qu'il y a un moment historique, mais aussi théorique important dans la prise de conscience de Frantz Fanon, c'est la Deuxième Guerre mondiale. C'est le moment où le tout jeune Frantz Fanon, hein, qui a à peine 18 ans, décide de s'engager pour aller défendre une certaine idée de la liberté, notamment. Et puis, semble-t-il, pendant la campagne, Frantz Fanon rencontre des Français qu'il est en train de libérer, notamment des Alsaciens. Et donc là, Fanon réalise une chose qui sera vraisemblablement importante pour lui par la suite, lors de son engagement pour la révolution algérienne, c'est ce que pense le fermier, c'est-à-dire l'idéologie des masses, mais pas des masses ouvrières, qui sont celles sur lesquelles le marxisme se penche et réfléchit, celles des masses agricoles, enfin des masses des fermiers, et il est possible que la lecture plus tardive ensuite de Fanon, qui consiste à se demander, bon, comment on fait pour conscientiser des masses dans des pays qui sont massivement des pays agricoles, viennent ou aient été au moins un peu influencés par ce qu'il vit à ce moment-là auprès des fermiers d'Alsace qui eux-mêmes ne s'intéressent pas vraiment à la libération de la France, au régime, à la distinction entre le régime pétainiste, le régime de Vichy, les forces françaises libres, De Gaulle. Bon, tout ça, c'est de la politique, et la politique, c'est vraiment pas ce qui va nous faire vivre demain. Donc voilà, je pense qu'à ce moment-là, Fanon découvre à la fois l'idée d'une aliénation et l'importance d'une conscientisation, et l'idée d'un racisme, y compris lorsque nous sommes censés être tous alliés contre un ennemi. où me situer. Ou, si vous préférez, où me fourrer. Martiniquais, originaire de nos vieilles colonies, où me cacher. Regarde le nègre. Maman, un nègre. Chut, il va se fâcher. Ne faites pas attention, monsieur. Il ne sait pas que vous êtes aussi civilisé que nous. Mon corps me revenait étalé, disjoint, rétamé, tout endeuillé dans ce jour blanc d'hiver. Le nègre est une bête. Le nègre est mauvais. Le nègre est méchant. Le nègre est laid. Tiens, un nègre. Il fait froid. Le nègre tremble. Le nègre tremble parce qu'il a froid. Le petit garçon tremble parce qu'il a peur du nègre. Le nègre tremble de froid. Ce froid qui tord les os. Le beau petit garçon tremble parce qu'il croit que le nègre tremble de rage. Le petit garçon blanc se jette dans les bras de sa mère. « Maman, le nègre va me manger. » Noir masque blanc, le premier ouvrage de Frantz Fanon, on a l'impression qu'il découvre le racisme en métropole au moment où il s'est engagé dans l'armée française pour combattre les forces allemandes, comme si ces questions raciales n'existaient pas à l'état conscient, en tout cas avant cette expérience de guerre. Alors, c'est important parce que ça veut dire, on le sait, mais je crois que c'est bon que ce soit précisé. Michel Giraud, sociologue. Que le racisme est un mot qui englobe des tas de situations très très différentes et que le racisme en Martinique ou en Guadeloupe à l'époque, il est né en 1925, donc entre les deux guerres, et le racisme que les mêmes Martiniquais ou Guadeloupéens ont pu et peuvent encore connaître dans la société métropolitaine, hexagonale, enfin on a des problèmes de... On a beaucoup de problèmes de dénomination lorsqu'on aborde les réalités antillaises, toujours un peu dedans et dehors en même temps. Bon, c'est probablement lié au fait que le racisme qui sévissait en Martinique à l'époque où Fanon est apparu dans cette île, c'était un racisme qui était complètement... fabriqué par toute une matrice sociale qui était la matrice qui venait de la société d'esclavage avec des distinctions à n'en plus finir selon la couleur de la peau. Vous avez peut-être entendu parler de ces fameuses typologies raciales. Il y a les octavons, les quarterons. Ce sont autant de distinctions qu'on fait en fonction de la supposée quantité de sang blanc ou sang noir dans les veines des individus. Ce type de subtilité, c'est pour ça que je disais que ce sont des sociétés, elles sont pas racistes seulement, elles sont, je dirais, imprégnées, formées, la matrice, et une des matrices au moins de la vie sociale est celle-là. Et ça retentit dans tous les aspects, les préférences culturelles, la manière de se comporter, la manière de s'habiller. Donc on a quelque chose qui est très particulier, mais qui fait partie de l'ordre des choses. C'est ça la caractéristique du racisme colonial. C'est que tout est fait pour vous faire croire que ce qui n'est en vérité qu'un ordre social et un ordre inégalitaire est un ordre naturel et donc une inégalité indépassable contre laquelle on ne peut pas combattre. Et si l'opération qui s'appelle aliénation aboutit à des résultats, vous trouvez les choses comme étant à peu près à leur place, quoi. En revanche, quand vous bougez et que vous allez dans la métropole, qui est affublée de tous ces qualificatifs d'être une terre de liberté, la terre où l'esclave qui posait son pied sur son sol se trouvait ipso facto affranchi et devenait un homme libre, la terre de la Révolution française, la terre de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, et que, une fois que vous avez franchi le fronton où c'est écrit, et que vous entrez dans la cour, si je puis dire, à ce moment-là, vous vous rendez compte liberté, pas exactement pour tout le monde de la même manière, égalité, loin s'en faut, etc., etc. Et donc, le racisme devient quelque chose de choquant. C'est en ce sens, il ne faut pas faire une mauvaise interprétation. Ce n'est pas qu'il découvre quelque chose de nouveau, c'est qu'il découvre quelque chose qu'il n'avait pas imaginé, à savoir la présence d'une forme de discrimination qui lui rappelle bien quelque chose de l'époque où il n'avait pas encore voyagé. Mais vous voyez, c'est un mouvement réflexif. C'est qu'après coup, il se dit « Ah ben oui, c'est de ça dont il s'agit. Il s'agit de ma prétendue infériorité. » Il faut passer par le détour de l'extérieur, de la métropole en l'occurrence, ce qui prouve bien que les Antilles, c'est pas complètement la France, et réciproquement. Et donc, pour qu'il y ait cette expérience, cet écart, cette étrangeté, pour que subitement, on découvre des choses qu'on connaissait en vérité parfaitement bien et depuis très longtemps. Il y a peut-être aussi quand même un degré de violence, d'agressivité d'une autre ampleur en métropole. Ça aussi, mais ça... Ça fait partie un peu de... C'est un petit corollaire, merci de l'ajouter. C'est que comme c'est quelque chose qui exprime l'ordre profond, l'ordre naturel, ai-je dit, des choses, il n'y a pas besoin, sauf situation exceptionnelle, il n'y a pas besoin de faire preuve d'une très très grande agressivité, d'une très grande violence. Alors quand les nègres, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, ne se tiennent plus tranquilles, on peut montrer qu'on est capable d'être ferme et d'être cruel et méchant. Le fouet existe, bon, tout ça ne sont pas des inventions d'historiens. Mais en temps normal, si on n'a pas besoin de se montrer sa force, on ne la montre pas, et on règle plutôt les choses dans une manière que l'on dit aujourd'hui paternaliste, quoi, de relativement douce. Donc, c'est ce qui permettait à cette société profondément structurée par l'inégalité de race de tenir relativement longtemps et sans trop de difficultés. Le rapport de force était très défavorable à la minorité blanche. Si les esclaves se fâchaient, et ils se sont fâchés en Haïti de manière significative, même Napoléon y a pris une rouste, une fessée. Alors en France, c'est pas du tout la même chose. Plutôt, c'est l'inverse. Il y a un discours lénifiant, mais très rapidement, ça suffit pas. Donc, on marque la distance par des moyens. Donc, c'est pas du tout étonnant. Et vous savez, les blancs créoles, donc les descendants de planteurs esclavagistes qui sont surtout présents en Martinique, ils ont eu toujours l'habitude de dire ça, reprochant aux métropolitains, ceux qui venaient y arriver de la métropole et qui n'avaient pas ce passé antillais, de ne pas savoir y faire avec les nègres, de pas savoir être dans la forme habituelle du paternalisme, d'être trop distant, trop cassant, ou au contraire, trop familier, oubliant qu'il ne fallait pas se lancer dans ce terrain-là parce qu'on finirait par s'y faire bouffer. Donc il y avait une espèce de savoir-faire avec les nègres, c'est ce que prétendent au moins les blancs en question, que les métropolitains n'avaient pas. Et c'est ces différents-là, ce qu'on retrouve dans votre remarque sur le fait qu'effectivement l'agressivité peut être beaucoup plus forte ici que là-bas, paradoxalement. En revanche, cette surprise, faut pas se tromper, c'est pas une vraie surprise. C'est la déception qu'on ne puisse pas continuer à fermer ses yeux sur le fait que oui, ça compte, le préjugé continue d'exister, bien sûr. Tiens, un nègre. C'était un stimulus extérieur qui me chiquenaudait en passant. J'esquissais un sourire. Tiens, un nègre. C'est vrai, je m'amusais. Tiens, un nègre. Le cercle, peu à peu, se resserrait. Je m'amusais ouvertement. Maman, regarde le nègre. J'ai peur. Peur. Peur. Voilà qu'on se mettait à me craindre. Je voulus m'amuser jusqu'à m'étouffer, mais cela était devenu impossible. Dans le train, au lieu d'une, on me laissait deux, trois places. Déjà, je ne m'amusais plus. J'existais en triple. J'occupais de la place. J'allais à l'autre, et l'autre évanescent, hostile, mais non opaque, transparent, absent, disparaissait. La nausée. J'étais tout à la fois responsable de mon corps, responsable de ma race, de mes ancêtres, je promenais sur moi un regard objectif, découvris ma noirceur, mes caractères ethniques, et me défoncèrent le tympan, l'anthropophagie, l'arriération mentale, le fétichisme, les tares raciales, les négriers, et surtout, surtout, Yabon Banania. Ce jour-là, désorienté, incapable d'être dehors avec l'autre, le blanc qui impitoyablement m'emprisonnait, je me portais loin de mon être-là, très loin, me constituant objet. Qu'était-ce pour moi, sinon un décollement, un arrachement, une hémorragie qui caillait du sang noir sur tout mon corps? J'aurais voulu arriver lisse et jeune dans un monde neutre et ensemble édifié. Mais je refusais toute totalisation affective. Je voulais être homme, rien qu'homme. Choqué aussi par ça, il est renvoyé à une identité qui, dit-il d'ailleurs dans un texte qui est intitulé en entier et africain, qui, dit-il, ne fait pas problème à moi. Myriam Kotias, historienne. Il dit le vrai racisme est arrivé aux Antilles en 39 avec Pétain, enfin avec ses troupes vichistes qui arrivent et qui, où là il y a un véritable racisme qui s'instaure. Et il a cette phrase que moi qui m'a toujours un petit peu interrogée, qui est de dire, bah avant c'était pas du vrai racisme, c'est-à-dire qu'il y a des préjugés, bon mais on s'échauffe un petit peu, on dénonce, mais finalement au bout du compte après on est tous, il dit pas on est tous entiers, mais on fait un peu la paix, on vit ensemble, voilà. Il y a la question raciale, elle est absolument pas posée. Il raisonne en termes de préjugés et non pas de race, et c'est vraiment son expérience dans des situations extérieures qui vont construire en lui cette notion de race. Il faut se rappeler que lorsque Frantz Fanon s'engage très jeune pour participer donc aux forces alliées en 43, ni lui ni ses parents ne bénéficient de la citoyenneté française pleine et entière. Aurélia Michel, historienne, auteure de Un monde en nègre et blanc, enquête historique sur l'ordre racial. Donc il faut quand même mesurer aussi cet engagement et le sens qui a pu être donné par les Antillais à ce moment-là, qui ont décidé volontairement donc de partir combattre pour la liberté de la France. Qui croit dans les valeurs portées par ce projet qui est un projet de civilisation impériale, mais qui est un projet auquel ils adhèrent. Ils adhèrent au projet porté au fond par la Révolution française, c'est-à-dire la citoyenneté au sens de la Révolution française. Et là, ce combat est la suite d'un combat général pour l'émancipation. Et une opportunité pour eux aussi de se voir reconnaître, de se sentir comme membre, comme participant à cette société de l'égalité qui est la promesse de la France. Et que peut-on penser de cette posture quand même malgré tout quand il formule sa rencontre avec les questions de race, avec cette conscience des différences raciales, de la discrimination raciale tout simplement, pendant cette Seconde Guerre mondiale sur le territoire métropolitain? Je pense que pour un jeune Antillais arrivé comme ça en France dans une société blanche, hein, tout simplement, c'est un choc, oui. C'est une prise de conscience de peut-être des choses qui ne sont justement pas formulées dans la société antillaise, qui ne peuvent pas l'être aussi, parce qu'il manque un bout du dispositif. Hein, on est d'une certaine manière en périphérie du dispositif. Le dispositif racial, son cœur, c'est la métropole, c'est l'Europe, c'est l'Occident. Et donc, arriver en France, c'est être confronté au cœur du dispositif et probablement vivre des expériences sociales, intimes, humaines, qui sont extrêmement, non seulement violentes, mais surprenantes. Et donc, sa prise de conscience, c'est aussi mettre des mots, désigner des violences qui étaient beaucoup plus floues, beaucoup plus intériorisées peut-être dans la société antillaise. C'est les rendre réelles et c'est le début de la possibilité d'une explication et d'une déconstruction. Parler petit nègre, c'est exprimer cette idée. Toi, reste où tu es. Quand je rencontre un Allemand ou un Russe parlant mal le français, par geste, j'essaie de lui donner le renseignement qu'il réclame. Mais ce faisant, je n'ai garde d'oublier qu'il a une langue, un pays, et qu'il est peut-être avocat ou ingénieur dans sa culture. En tout cas, il est étranger à mon groupe, et ses normes doivent être différentes. Dans le cas du noir, rien de pareil. Il n'a pas de culture, pas de civilisation, pas ce long passé d'histoire. Frantz Fanon est très déçu par son expérience au front et en métropole. Oui, parce que c'est un soldat noir et bien que citoyen français, il doit subir les rigueurs et des avanies et des humiliations qui lui sont infligées par le commandement, par des sous-officiers qui peuvent être violents, qui peuvent être racistes. Et cela, il y est très sensible, alors même que l'armée en question se bat au nom de valeurs qui sont celles de l'universel de l'humanité contre la barbarie nazie. L'armée française, elle n'est pas exempte de hiérarchie, elle n'est pas exempte de racisme. Et c'est cela qui choque beaucoup de soldats coloniaux, qu'ils soient antillais, africains ou nord-africains, de trouver au sein de l'armée des comportements qui, en principe, sont bannis d'une armée qui se bat au nom des valeurs de la liberté, sans même parler des centaines de milliers de soldats africains-américains qui sont dans une situation semblable. Mais en vérité, le propos, je ne crois même pas que le propos soit dans la tête de Fanon, c'est celle-là. Simplement, ce qu'il exprime, c'est sa déception. Il exprime le fait que la France ne tient pas les promesses qu'elle a répandues sur le monde entier. Et en ce sens, elle doit nous rendre des comptes. C'est ça sa déception. C'est pas la déception qu'on l'ait trompé lui, mais c'est une déception par rapport à l'incapacité. Mais c'est un thème terriblement actuel. C'est la position de Camus sur l'Algérie. Enfin, c'est quelque chose qui me paraît être une donnée fondamentale de l'honnêteté intellectuelle qui fait que on rappelle les esclaves. Moi, je le dis toujours. Ça, c'est des choses qui ne sont pas dites. Les esclaves qui se révoltent pour se battre contre les troupes de Bonaparte, ils se mettent en ligne pour l'affrontement sous un drapeau, sous des couleurs. À votre avis, c'est quoi le drapeau? C'est le drapeau tricolore. Et ce drapeau tricolore, c'est pas on veut être français. Ce drapeau tricolore, c'est vous les Français. Ce drapeau, ça veut dire liberté, égalité, fraternité. Nous sommes là pour le défendre. Vous êtes là pour l'attaquer. Et vous pensez que Frantz Fanon y croit véritablement en 1943-1944, puisqu'il il va proposer ses services plusieurs fois. La première fois, est jugé trop jeune, mais lorsqu'il va vouloir s'engager dans l'armée, l'armée de la France libre. Parce qu'il faut quand même, je veux dire, il a pas fait juste une petite déclaration pour ensuite sortir du bureau de recrutement aller boire un coup au bistrot avec les copains. Il s'est engagé, il a fait la campagne des Vosges, il a été blessé, il a été décoré. Ça, je dis ça pour la partie conservatrice de notre auditoire. Bon, c'est pour ça quand on fait ça, et Fanon est un type trop fin pour faire cette énergie. Il sait très bien, mais c'est une figure rhétorique de dire « je suis déçu ». Comme si je regrettais de l'avoir fait. Non, il a bien fait. Il fallait être de ce côté-là en 1943. Thank you. Marcel Manville, 1er décembre 1991. Nous avons, après la guerre, eu un peu le sentiment que nous nous étions battus comme ces soldats qui se battaient pour le roi de Prusse, comme on disait à l'époque. Et ça explique la lettre de France, qui n'est d'ailleurs pas, il faut être honnête, et ne pas déformer l'histoire et confondre l'histoire et la légende. Ça n'était pas un cri de révolte contre un système, c'était la révolte du jeune soldat, qui était la mienne, je peux en parler donc avec connaissance de cause, contre une situation intolérable et une ambiguïté qui nous coûtait très cher, car faire la guerre en 1944, un des hivers les plus durs, eh bien, il est évident que ça ne pouvait pas ne pas provoquer des chocs, des réactions violentes de notre part. Lorsque Franz et moi, nous demandons une bourse au Conseil général d'époque, tant il est vrai que les choses ne changent pas, on dirait que je fais de la politique, mais enfin quand même, on ne peut pas détacher l'histoire de la réalité actuelle, on nous refuse cette bourse. On nous dit, vous avez fait que votre devoir. Et par conséquent, nous sommes encore là, des mécontents, des révoltés. Mais il faut dire que nous nous trouvons dans un contexte de l'assimilation et nous retombons dans ce que Césaire appelle ce bovarisme collectif, c'est ce qu'il disait à l'époque, nous sommes des Français à part entière, jusqu'au moment où nous repartons vers la France continuer nos études. Voilà la situation entre le mois d'octobre 45 et le mois de décembre 45, date auquel je suis resté à la Martinique. Après, ça a été la France, où France nous rejoint, après avoir passé sa seconde partie de baccalauréat. Les 22 000 enfants de Fort-de-France fréquentent régulièrement les écoles de la ville, encore en nombre insuffisant. Plus de 40 élèves en moyenne par classe. 65% de ces enfants passent en 6e et 40% terminent le secondaire pour s'orienter invariablement vers la médecine ou le droit. Ma petite maman, demain commencent les cours. Encore une année où seul l'effort va primer. Voici mon programme. En février, deuxième certificat de philo, admis. En juin, deuxième examen de doctorat en médecine, admis. En octobre, externat des hôpitaux, à voir. Tu comprendras que je sois dans le doute. Je te quitte, petite maman. Je t'embrasse très fort. Ton fils, Franz. Victor Permal, président du cercle Franz Fanon. Il commence à réfléchir, là, alors c'est lui qui le dit, hein. Il commence à réfléchir à partir du moment où il arrive en France. Et à partir du moment où il entre dans cette guerre, et qu'il finit par dire qu'il s'est trompé. Pourquoi il dit qu'il s'est trompé? Parce qu'il dit, je suis dans une guerre, il y a à côté des gens, des tas de gens qui sont là, moi je suis en train de presque mourir pour eux, et eux ils s'en foutent. Et qu'est-ce que je fous là? Et puis il a eu dans son voyage l'expérience du racisme. Et il a vu comment on traitait les Sénégalais, noirs comme lui, et puis comment on le traitait. Alors lui on le prenait pour un Français. Donc on était plus... les relations étaient moins inégalitaires. C'était bien un nègre, mais c'était pas un nègre comme les Sénégalais. Parce que il apparaissait moins sauvage. Il apparaissait plus civilisé. C'est ça l'expérience de Fanon. Et il fait cette expérience-là parce que quand il est en Martinique, avant de partir, c'est un bon petit gars. Il faisait les 400 coups avec son frère, avec d'autres, dans les rues de Fort-de-France. Et par ailleurs, comme il habitait à un certain moment la rue Victor Hugo, c'était la rue des gens sélects. Et Fanon, donc, il n'a pas encore conscience de ça. Il est dans la logique de ce que l'on pensait à l'époque, dans la logique de la France mère patrie. Et quand il part en France, il va défendre la mère patrie. Et quand il part en bon français. D'ailleurs, il le dit lui-même. Il dit, c'est en tant que Français que je m'engage dans la lutte pour que la France ne soit plus occupée par les Allemands. Et donc, il est fabriqué par une société qui lui dit quel est le beau, quel est le bon, quel est le bien, et comment il faut se comporter dans cette société pour... le mot est absolument important pour réussir. Ce que le mot essentiel pour les Martiniquais de l'époque, c'est le mot réussite. Réussir sa vie. Et réussir sa vie, c'est quoi? C'est d'être le plus proche possible du modèle français, blanc, européen. Réussir sa vie, c'est ça, à tous les niveaux. Et en même temps, de correspondre à ce qu'attendent les gens dans sa société. Et les gens attendent que le petit Fanon, il apprenne bien à l'école, ait une bonne profession, et s'insère dans la société, sachant bien parler français, pouvant citer Montesquieu, Balzac, Victor Hugo, Lamartine, etc., sans problème, et qu'il apparaisse donc comme quelqu'un de cultivé, entendant par là quelqu'un qui a la même culture que n'importe quel petit Français du même âge. C'est ça, Fanon, de l'époque, et c'est comme ça qu'il arrive. Et puis la deuxième expérience de Fanon, du même Fanon, qui fait que il va nous aider à réfléchir, c'est le Fanon qui est fabriqué par cette société qui formate des gens et qui fait que pour réussir sa vie, il faut être comme celui qui colonise. Celui qui colonise, il a le savoir, il a la technique, il a la science, donc le savoir, et il sait tout sur la beauté, sur la bonté, sur la noblesse, sur le pur, sur tout ça. Et il est ça. Donc plus on se rapproche de ce modèle-là, mieux on sera. Il est Franz. Je suis Franz Fanon. Danneux de la terre, sale nègre. Alors nous sommes qui? Damneux de la terre, sale nègre. Alors nous sommes qui? Franz Fanon. Franz Fanon. Franz Fanon. Je suis Franz Fanon. Franz Fanon. Franz Fanon. Franz Fanon. Nous sommes Franz Fanon. Dans ce que dit Fanon de son histoire, de sa prise de conscience, des questions raciales, des barrières raciales tout simplement, il dit que jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à son engagement volontaire pour défendre l'Empire français, il n'avait jamais croisé cette question raciale. Et là, on se dit qu'il y a quelque chose d'intrigant quand même. Pour non, expliquer son pas. Choc. Mais pas du tout. Mais beaucoup d'entre nous, moi, des histoires de race, je n'en ai jamais entendu parler avant de véritablement de vivre aux États-Unis. Achille Mbembe, historien et philosophe. Cela ne veut pas dire que, ni dans le contexte colonial au Cameroun, je suis né après la colonisation, ni dans le contexte français des années de mes études ici, cela ne veut pas dire que le racisme n'existait pas. Mais nous avons été façonnés mentalement, intellectuellement, nous sommes héritiers de traditions intellectuelles, philosophiques et culturelles qui reposent quelque part quand même sur l'idée, une imagination radicale de la relation et de la liberté. Du sujet également. Une imagination radicale dans le sens où cette imagination prend au sérieux la perspective ou l'idée d'un sujet universel qui est tout à fait libre et autonome, qui transcende les déterminations géographiques, historiques, culturelles, et ainsi de suite. Le problème français, si on peut parler en des termes aussi généraux, c'est que nous prenons cette fiction pour la réalité. C'est une fiction, c'est quelque chose au fond qui relève d'un en avant de nous, qui est différent de l'existant. Le racisme, il est réel. Le rêve d'un monde sans racisme, c'est un rêve. Et donc, on est appelé à réfléchir à cet écart entre ce monde en avant de nous et ce monde que nous habitons, qui est différent de celui qui devrait venir. C'était de la haine. J'étais haï, détesté, méprisé. Non pas par le voisin d'en face ou le cousin maternel, mais par toute une race. J'étais en butte à quelque chose d'irraisonné. Les psychanalystes disent que pour le jeune enfant, il n'y a rien de plus traumatisant que le contact du rationnel. Je dirais personnellement que pour un homme qui n'a comme arme que la raison, il n'y a rien de plus névrotique que le contact de l'irrationnel. Je sentis naître en moi des lames de couteau. Je pris la décision de me défendre. En bon tacticien, je voulus rationaliser le monde, montrer aux blancs qu'il était dans l'erreur. Franz Fanon, l'expérience vécue du racisme colonial, avec Gilbert Pagot, Sylvie Mélien, Pape Ndiaye, Daniel Maximin, Franceline Fanon, Myriam Cotias, Romuald Foncoua, Magali Besson, Michel Giraud, Aurélia Michel, Victor Permal et Achille Membe. Merci à Philippe Artière, Natacha de la Simone, Pascal Iltis, Eric Jennings et Julien Fargetas. Lecture, Gaël Faye, Daniel Königsberg. Prise de son, Alexandra Bergel, Bernard Lagnel et Pierrick Charles. Mixage, Éric Boisset. Franz Fanon, l'indocile, une série documentaire d'Anaïs Quien, réalisée par Séverine Cassard. Demain, faire de la psychiatrie une arme de combat, Franz Fanon de Lyon à Blida, en passant par Saint-Alban.